عشرات الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما بعد، إن شاء الله تعالى نواصل بإذن الله عز وجل مع أشرات الساعة. On continue ici بإذن الله سبحانه وتعالى avec les signes de la fin des temps. Et on rappelle encore une fois que ces signes permettent aux croyants et à la croyante ici de se rapprocher d'Allah عز وجل avec plus de conviction et encore plus de certitude envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et pourquoi pas, alors qu'à chaque fois qu'on traite un signe de la fin des temps, on se rend compte encore une fois de plus que le prophète Mohammed alayhi afdalu salati wa askat taslim, il ne parle pas poussé par sa passion, walakin ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Huwa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et ici ça nous permet aussi de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici nous met en garde plusieurs fois tout au long de notre vie contre l'insouciance, et il nous rappelle qu'on vit ici des signes qui font partie des signes de la fin des temps. C'est-à-dire qu'Allah nous rappelle qu'on se rapproche de cette grande heure qui est ici le jour dernier. Et on avait parlé des deux heures, la petite heure et la grande heure. La petite heure qui est al-maut, la mort, et la grande heure qui est quoi? Le jour dernier. Et on avait rappelé qu'il y avait trois types de signes. Il y avait les petits signes de la fin des temps qui ont déjà eu lieu. Par exemple, la mort du prophète alayhi salatu wassalam, qui fait partie des petits signes de la fin des temps, et qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Il y a parmi asharat as-sa'a, parmi les signes de la fin des temps, les petits signes de la fin des temps qui ont eu lieu, mais qui se passent toujours au jour d'aujourd'hui. Comme le signe qu'on a traité la semaine dernière, c'est-à-dire al-fitan, les troubles. Et il y a les grands signes qui vont venir et qui n'ont pas eu encore lieu. Ce sont les grands signes de la fin des temps, comme la venue de Al-Masih, Al-Dajjal, l'Antéchrist, Al-Mahdi, etc. Et c'est ce qu'on va voir plus tard, Inch'Allah ta'ala wa billahi tawfiq. Parmi les petits signes de la fin des temps qui ont déjà eu lieu et qu'on vit au jour d'aujourd'hui, on en a parlé la semaine dernière et on a dit qu'il y avait ici Al-Fitan, c'est-à-dire les troubles. C'est-à-dire les troubles. Ou bien, ici, comme il est relaté dans le Lisan ou l'Arab, d'accord ? Comme on l'avait rappelé la semaine dernière, c'est-à-dire quand on parle de fitna, on parle d'examen, on parle de test qui nous rappelle ici le caractère blâmable de ce test et de cet examen. On est d'accord? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te teste. C'est des tests qu'on vit, d'accord? C'est des examens, mais quand on dit fitna, c'est on parle d'un examen qui est blâmable. C'est pour ça qu'on dit quelquefois de le fitna. Ici, c'est ça représente les troubles. Le fitna représente les troubles. Il y a aussi dans le Coran al-Karim le terme fitna qui apparaît et qui ne désigne pas ici yani, ou qui est plus précis dans l'explication, comme l'ont rappelé les gens de science. Par exemple, je m'explique. Allah Azza wa Jal, il nous rappelle dans le Coran al-Karim un verset qui nous rappelle que ici al-fitna désigne al-shirk, l'association qui désigne al-shirk. Par exemple, il dit وقاتلوا في سبيل الله أو وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. Et tuez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Ici, c'est tuez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. D'accord? Allah Azza wa Jalla avait révélé ce verset coranique à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc, al-fitna, quelquefois dans le Coran, elle désigne al-shirk, l'association. Quelquefois, la mécréance. Et, de façon générale, elle désigne les troubles. Donc, de façon générale, elle désigne les troubles. Et on avait dit que al-fitna naw'an, il y avait deux types de fitna, c'est-à-dire d'examens qui montrent un caractère blâmable. D'accord? Ou qui nous rappellent quelque chose de blâmable, une épreuve, quelque chose de mauvais. Il y avait deux types de fitna. Il y avait fitanu shubuhat wa fitanu shahawat. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il rappelle dans le Coran al-Karim, ici, fitanu shubuhat, quand il dit, wa nabaloukum bi, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? On va vous éprouver avec? Bi sharri wal khayri fitna. D'accord? On va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. D'accord? Et ça, ça concerne les fitan, d'accord? Les épreuves qui concernent ash-shubuhat, les passions, ce qu'on aime. D'accord? Et Allah, il nous rappelle qu'il va nous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. D'accord? Par exemple, le bien, l'argent. L'argent, c'est quelque chose à la base qui est licite et qui à la base est un bien. Mais Allah, il nous rappelle qu'il va nous éprouver par le mal et le bien. Donc l'argent, c'est une fitna, c'est-à-dire une chose mauvaise si tu utilises cet argent-là d'une mauvaise façon, d'une façon dont Allah Azza wa Jalla et le prophète alayhi salatu wa sallam n'ont pas voulu. D'accord? Mais si tu l'utilises comme il se doit, selon le Coran et la Sunna, tu dépenses cet argent de façon licite, tu l'utilises pour nourrir ta famille, pour faire des choses bien, ce n'est pas une fitna, mais c'est un examen qui a été réussi. Et on appellera cette chose-là une ni'ma, un bienfait. Mais cette ni'ma, si tu l'utilises d'une mauvaise façon, elle s'appelle une fitna. Et fitna tu shubuhat, c'est tout ce qui attire l'être humain. Les femmes, l'argent, le matériel, etc. Et il y a fitanu shubuhat, on a expliqué cela la semaine dernière. C'est-à-dire, ce qui touche aux ambiguïtés. Et ça c'est plus grave que fitanu shubuhat. Ça c'est plus grave. D'accord? Que fitanu shahawat. D'accord? Fitanu shubuhat, c'est plus grave que fitanu shahawat. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que shubuhat, les ambiguïtés, c'est comme un innovateur. Il pense faire le bien alors qu'il fait le mal. Donc celui-là, pour le raisonner, c'est très difficile. Tandis que quelqu'un qui est tombé dans shahawat, les passions, par exemple les femmes, l'argent, etc., il s'est égaré dans ça. Donc c'est facile de le raisonner, plus facile que l'autre plutôt, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte qu'il est égaré. De façon claire, il va te dire, oui, je sais que je suis égaré, je dépense cet argent qui est un bien à la base, je le dépense d'une mauvaise façon, etc. Donc il va se rendre compte. Donc quand la personne se rend compte de son erreur, c'est plus facile pour lui de revenir. Contrairement à la personne qui ne se rend pas compte de son erreur et en plus de ça, il croit qu'il est dans le bien. Le pervers, il va faire la fornication. Le pervers, il va boire de l'alcool. Walakin, tu vas lui dire c'est haram, il va dire je sais que c'est haram. Donc il s'est rendu compte de son erreur ou pas? Oui, c'est plus facile pour lui de se repentir. Mais tandis qu'ici le malade, c'est qui le malade? Celui qui va faire une erreur et qui est tombé dans fitanu shubuhat. Ah, l'épreuve des ambiguïtés. Il a suivi ses passions et son cœur est devenu aveugle. Car Allah dit dans le Coran, ce n'est pas les regards qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les fissourdours, dans les poitrines. Quand tu vas lui dire c'est pas bien, il va te dire mais non, c'est bien. Donc pour lui, c'est plus difficile de se repentir que celui qui était pervers. C'est pour ça les savants ils ont dit être malade c'est plus grave qu'être un pervers, parce que le pervers il fait une erreur, il va reconnaître son erreur. Mais le malade il va faire des erreurs, il va pas reconnaître son erreur et en plus de cela, comme a dit Allah dans le Coran, wa zayyana lahum ash-shaytan a'malahum. Shaytan leur a embelli leurs actions, ils vont croire qu'ils sont dans le bien, comme les innovateurs. Comme par exemple les innovateurs, leur intention est bonne ou pas les innovateurs? Naam. La définition de l'innovation c'est quoi? C'est le fait de faire quelque chose après la mort du prophète alayhi salatu wassalam bi qasd at-ta'abbud. Ah, avec l'intention d'une adoration. Walakin il n'y a ni preuve. D'accord? Ce que tu fais, il n'y a ni preuve, ni du Coran ni de la Sunna. D'accord? Tu as une bonne intention. Je veux me rapprocher du prophète d'Allah Azza wa Jalla avec cet acte d'adoration. D'accord? Walakin ton intention est bonne, mais elle n'est pas conforme à la législation. Ton action est rejetée. Il faut deux conditions pour qu'une action soit acceptée. Qu'elle soit faite avec une bonne intention et qu'elle soit conforme à la législation. S'il manque une de ces deux conditions, l'action est rejetée. D'accord? Donc beaucoup de gens qui sont dans fitan ou shubuhat, peut-être ils ont des bonnes intentions. Walakin, est-ce que ça suffit? Si on dirait ça suffit, eh ben on dirait que les chiites, ils sont sur la vérité. C'est vrai ou pas? On dirait que les sectes qui se sont égarées, dû à cause de quoi se sont égarées les sectes en islam? Sous al-fam. La mauvaise compréhension, toutes ces sectes qui disent j'aime Allah, j'aime le prophète, mais qui se sont égarées, je ne parle pas d'un petit égarement, d'un grand égarement, même dans l'aqida, on dirait non, ils sont bien guidés, ils sont dans le bien. Naam? Non, ça ne suffit pas d'avoir une bonne intention. Car tu vas voir n'importe quel chiite, wallah, il te dira mon intention est bonne. Et j'aime Allah et j'aime le prophète. Et quand il récitera des versets coraniques, il pleurera. Et quand il parlera du prophète, alayhi salatu wassalam, il pleurera. Son intention est bonne ou pas? Qui va dire le contraire? Walakin, c'est dû à quoi? Sa mauvaise compréhension. Ah, il a mal compris la chose. C'est pour ça, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, il dit cette phrase très connue. Ici, les sectes sont apparues à cause de quoi? Pas à cause de leur mauvaise intention. À cause de sou al-fahm, la mauvaise compréhension dans la religion. Et c'est pour ça qu'on dit, on répète souvent, et on le répétera jamais assez souvent, ici, il y a une grande différence entre apprendre la religion et comprendre la religion. Comprendre la religion, c'est un degré au-dessus d'apprendre la religion. C'est pour ça qu'Allah dit, ou le prophète alayhi salam dit, comme a dit fil sahih, man yurid illahu bi khayrin faqih fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre, pas apprendre, comprendre la religion. Il lui fait comprendre la religion. Il faut apprendre, mais comprendre ce que tu as appris pour appliquer ce que tu as appris de la meilleure des façons, comme Allah et son messager alayhi salatu wassalam le veulent. Clair. On a donné des solutions pour s'éloigner de l'fitan. Parmi ces solutions, ce qui est rapporté par l'imam muslim, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ta'awwadhu min al-fitan, ma dhahara minha wa ma batan. » D'accord ? Cherchez protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre l'fitan, les troubles, de façon générale. Toutes les troubles, de façon générale. D'accord ? Tant ici, apparente que cachée. Ah, tant apparente que cachée. Donc ici, répète ces invocations. D'accord ? Les invocations qui, yani, où tu cherches secours auprès d'Allah Azza wa Jalla contre les troubles. Tu dis par exemple, Allahumma najjina min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla de te préserver ici de ces troubles, tant apparents que cachés. Tu fais du'a. Parmi les causes qui font que tu t'éloignes de l'fitan, les troubles. Ah, les troubles. Ici, quand il y a des troubles, al-ulama, ils disent, quand les troubles arrivent, les grandes fitaines arrivent, même al-hukama, écoutez bien, même les gens sages ne peuvent plus contrôler les débordements. Comme a dit al-ulama, et vous retrouvez cette parole dans le livre des signes de la fin des temps de Cheikh Wahbi, hafidhahullah ta'ala. Ils disent même al-hukama, les gens sages. C'est pour ça qu'Allah et le prophète alayhi salatu wassalam nous ont donné plusieurs recommandations pour pas en arriver là aux troubles, aux fitaines. Parce que quand ça éclate, pour contrôler ça, c'est très difficile. Et c'est pour ça que Allah et le prophète ont mis en garde contre les fauteurs de troubles, wal'iyadu billah. Et c'est pour ça que le prophète a rappelé que ça fait partie des signes de la fin des temps et que al-fitan ne cesseront de venir l'une après l'autre jusqu'à la fin des temps. C'est Allah qui l'a décidé qu'on le veuille ou non. Shi'na am abayna. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est Allah et le prophète alayhi salam qui nous l'ont rappelé, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Et quand ça a commencé ces fitaines, déjà à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ça a commencé. Mais quand ils ont vraiment éclaté, à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda, plutôt après la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de fitaines qui ont apparu et qui ont marqué l'histoire. À l'époque du prophète, il y a eu des troubles, il y a eu des conflits. Je vous avais déjà cité lors du précédent sermon, le conflit entre Abu Dhar et Bilal. D'accord, il y a eu des conflits. Walakin, les grands troubles, jusqu'à ce qu'il y ait eu des centaines, des milliers de compagnons qui se sont combattus, morts. Ça arrivait ça? Naam. À l'époque de qui? Il y a le conflit de la bataille du chameau. Vous connaissez la bataille du chameau? Si on ne va pas rentrer dans l'état, sinon il faudrait plus qu'un cours avec Aïcha radiyallahu anhu warda et Ali. Il y a eu ici Ali et Muawiya, où il y a eu le Khawarij qui sont apparus. Il y a eu combien de morts? Des dizaines? Des milliers? Est-ce qu'on a droit de critiquer un groupe ou un autre, ou un parti ou un autre? Abadan. Radiyallahu anhum wa radu an. Dhalika liman khashya rabba. C'est tous des compagnons. C'est tous des gens ici intègres qui ont reçu l'éloge de la part d'Allah dans le Coran al-Karim, as-sahaba. Walakin, avec ça, est-ce que le groupe de Ali a combattu le groupe de Muawiya? Est-ce qu'il y a eu des milliers de morts chez les compagnons? L'un compagnon, l'autre compagnon, et ils se sont combattu. Naam. Est-ce que c'est tous des compagnons? Naam. Est-ce qu'ils ont tous reçu l'éloge d'Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim? Naam. Mais c'est arrivé à cause de qui? À cause de fauteurs de troubles. À cause de fauteurs de troubles. Et c'est pour ça qu'on dit, et disent les savants, même al-hukama, les gens sages. Ah. Les gens sages, quand ça explose al-fitan, mais je parle des grosses fitanes, ici comme il y a entre Ali Mouawiyah et autres, même eux, ils n'arriveront pas à contrôler les débordements. Pourquoi? Parce que ici, al-fitna, c'est quelque chose de terrible. C'est pour ça qu'Allah en parle plus d'une fois dans le Coran al-Karim, et le prophète alayhi salatu wasalam en parle plus d'une fois dans la sunna authentique, et il nous a donné plusieurs recommandations pour pas tomber dans le fitan. Parmi les recommandations, on a cité rapporté par Muslim, ad-du'a. Parmi les recommandations, à titre d'exemple, simplement, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Vous croyez que ce verset coranique, c'est pourquoi? Et vous croyez que tous les hadiths concernant le fait, at-ta'a, l'obéissance envers ceux qui détiennent le commandement, pourquoi il y en a plein? Il y en a des dizaines et des dizaines. Où le prophète alayhi salatu wasallam, il a été clair dans le fait que ceux qui détiennent le commandement ou le gouvernement parmi les musulmans, tu dois leur obéir. Bien sûr, on va voir, il y a des cas où tu leur dois pas obéissance. Comme on va le voir, bi-idnillah azza wa jal. Pourquoi? Pour éviter quoi, à votre avis? Pour éviter? Al-fitan, al-fawda, l'anarchie, les troubles. Toute collectivité a besoin d'un guide, d'un chef, un amir. Toute collectivité. Va plus loin. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit même les hayawanat, même les animaux. C'est vrai ou pas? Ils ont besoin d'un guide ou pas? Même les animaux, ils ont besoin d'un guide. Même les animaux, ils auront un représentant. Ils auront un guide. Ils auront un chef. Un qui les guide. Un qui leur indique le chemin. Même des animaux et des troupeaux, tu verras, ils auront un guide. Ça, c'est connu et c'est clair. Et c'est logique. C'est pour ça que dans une maison, il n'y a pas de patron. Il y en a combien? Il y en a un. C'est qui? Rabboul Bayt, c'est qui? Quand on dit Rab tout seul, c'est Allah. Quand on dit Rabbou et on cite quelque chose d'autre, on parle d'un représentant. Rabboul Bayt, c'est qui? C'est le père. C'est qui tranche, qui prend les décisions dans une maison? Dans les maisons où tu verras Al-Fitan, ah, on parle des Fitan, on a compris c'est quoi Al-Fitan. Al-Fitan, c'est à cause de quoi? Le fait qu'il y a deux Mohammed dans la maison. C'est vrai ou pas? Deux commandants. Le mari dit une chose, la femme elle dit une autre. C'est qui tranche? Si les deux ont le même, ont le même niveau, ont la même impact, est-ce qu'il va avoir des problèmes ou pas? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un échappatoire au problème ou pas? Non! Parce que un va dire blanc, l'autre va dire noir. C'est qui tranche? Personne. Ah! Mais s'il y en a un qui tranche avec sagesse, avec équité, et qui consulte son épouse et ses enfants, et qui cherche la meilleure des solutions dans toutes les décisions, selon le Coran et la Sunna, bi-fahmi salafil ummah, il ne peut avoir qu'un bien. Et ici, c'est pareil pour toute collectivité et pour toute situation. Le prophète alayhi salatu wasalam, est-ce qu'il nous a recommandé quand on voyage de prendre, quand on est à trois, un amir ou pas? Naam. Quand on voyage à trois, il faut qu'il y ait un amir, un représentant qui tranche, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Il te consulte, wa shawirhum fil amr, consulte-les dans les affaires, mais il y en a un qui tranche, il n'y en a pas deux. Ici, pareil, dans toute collectivité, on a besoin de représentants. Clair. Écoute bien ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Ati'u Allah. Analyse bien. Obéissez à Allah. Wa ati'u Rasul. Et obéissez aux messagers. Wa ulil amri minkum. Et ceux qui détiennent le commandement. Les savants, et c'est une chose connue, ils ont dit. Pourquoi Allah n'a pas répété? Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u. Et il n'a pas répété. Et obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Mais il a simplement dit, obéissez à Allah. Obéissez aux messagers. Il n'a pas répété obéissez. Il a dit, et à ceux qui détiennent le commandement. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla nous rappelle que l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement doit être que à partir du moment où ça reste conforme à ce que Allah et le prophète alayhi salatu wassalam nous ont ordonné de faire. Sinon, la règle qui est un hadith du prophète, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Si un gouverneur ou bien un qui détient le commandement nous ordonne une chose qui n'est pas conforme à la législation, ou il nous ordonne de désobéir à Allah et à son messager, est-ce qu'on a le droit de lui obéir? À l'unanimité des savants, on n'a pas le droit. Mais tant que ce n'est pas une désobéissance à Allah et à son messager, tu dois obligatoirement lui obéir pour éviter de tomber dans al-fitan, les troubles, le meurtre, les dissensions, les divisions. Naam. C'est pour ça que on se doit d'obéir à toute personne parmi les musulmans qui détient le gouvernement ou alors une autorité quelconque. Tu lui dois obéissance. Tant que ce n'est pas une désobéissance, ici, envers Allah Azza wa Jalla et son prophète, alayhi salatu wa salam. Wa ulil amri minkum. Qui sont-ils? Wa ulil amri minkum, c'est-à-dire ceux qui détiennent parmi vous le commandement, al-ulama ont dit. Et plus d'un savant parmi les contemporains, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, wa ghayruhuma min ahli al-ilm, ils ont dit, c'est qui? Ce sont ceux qui détiennent le commandement parmi les musulmans, comme les gouverneurs, etc. Et aussi, les gens de science, ahlul ilm. Et à leur tête, al-ulama. Quand on dit ahlul ilm, ce sont les savants et tullabul ilm, les étudiants en science, comme disent les gens de science. C'est-à-dire que ici, les savants, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ils donnent les avis juridiques. Et le hakim, ou celui qui détient l'autorité, il impose le jugement juridique qui a été apporté, ou la fatwa qui a été apportée par les gens de science, il l'impose à ceux qui sont sous son autorité. D'accord? Sous sa responsabilité, et il a le droit de leur imposer, d'accord, aux gens, au peuple, d'appliquer ce que a décidé, ou ce qu'ont décidé les gens de science. Donc, ulil amri minkum, ce sont les gens de science et les musulmans qui détiennent l'autorité. D'accord? Pour éviter quoi? Al-fitan. Cheikh Al-Uthaymin, quand il explique ce verset, subhanallah, il dit ça, c'est une preuve qu'Allah yuhib, il aime an-nidam, l'organisation. Et il n'aime pas ici le désordre. Inna Allah la yuhibbu al-fasad. Allah Azza wa Jalla, il rappelle dans le Coran, Allah, il n'aime pas la corruption, il n'aime pas le désordre. Il déteste le désordre sur terre, wal-iyadu billah. Il aime l'organisation, que les choses soient carrées, que les choses soient propres, et que ici on se conforme toujours au Coran et à la Sunna bi fahmi salaf al-umma, et que chacun respecte l'autre. Et c'est ce que Allah Azza wa Jalla veut, et à partir du moment où on se détourne de ces prescriptions divines et prophétiques, il y aura obligatoirement ce qu'on appelle al-fitan, c'est-à-dire les troubles. C'est pour ça qu'on doit demander protection auprès d'Allah Azza wa Jalla contre ces troubles et s'en préserver au maximum. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quand il est mort, qu'est-ce qu'a dit Hudhayfa radiyallahu anhu wa arda sur lui? Donc les troubles, ce n'est pas nouveau. Et ça existera jusqu'à la fin des temps. Rapporté par al-Bukhari wa Muslim. Regardez comment ils ont éclaté. On a parlé de ces troubles-là. Avec Uthman ibn Affan quand il a été assassiné. Uthman ibn Affan, grand compagnon, il a été assassiné. Après il y a Ali. Il a eu, et comme disent les savants, quand ici, inshallah ta'ala, prochainement on aura l'occasion de faire la vie des compagnons, vous allez voir ici que la mort de Uthman ibn Affan, elle fait énormément mal au cœur. Énormément mal au cœur. Et qu'ils l'ont assiégé. Il se retrouvait tout seul, avec sa femme, chez lui. Et des gens sont venus, et ils sont rentrés, ils l'ont tué, assassiné. Et Uthman ibn Affan, il voulait quoi? Il voulait pas al-fitan. Il voulait pas les troubles. Uthman radiyallahu anhu arda. Et quand Ali, il a vu tout ce qui s'est passé, ici, il a été quelquefois dépassé. Ali radiyallahu anhu arda, surtout quand il y a eu al-fitan, il y a eu les morts entre les musulmans. C'était dur. Et regardez, après Umar ibn al-Khattab, vous allez voir les plus grands troubles qui sont tombés. Et Ali radiyallahu anhu arda, il a eu un énorme poids sur le dos. Et ça a été très difficile pour eux. Ce n'est pas 10 ou 15 morts qu'il y a eu, c'était des centaines et des milliers de musulmans qui sont morts. Et on dit, concernant tous les compagnons encore une fois, radiyallahu ta'ala anhum wa arda. Et nous, on n'a pas le droit, c'est interdit en islam, de condamner tel ou tel compagnon, wal'ayyadhu billah. Ici, dans le Sahihain d'après Hudhayfa, il dit, Umar ibn al-Khattab a dit, lequel d'entre vous a-t-il mémorisé les propos du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam? Umar leur a dit ça, écoutez bien. Lequel d'entre vous a mémorisé les propos du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, concernant al-fitna? Alors, regardez, ils se renseignaient sur le fitna. Vous savez que c'était pas une mince affaire. Omar, il dit ça. Qui a mémorisé? Écoutez bien, Hudhayfa dit, moi, j'ai retenu ce qu'il a dit. Et lui de dire, donne, tu es bien courageux. Khalas, donne-nous ce que tu as retenu. Et il dit, qala rasulullah, alayhi salatu wassalam. Il a dit, Hudhayfa, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, l'épreuve de l'homme dans sa famille. Ah, il y aura des épreuves dans la famille, na'am. Dans ses biens et dans ses voisins est dissipée. Ah, il nous donne une solution. Elle est dissipée comment? Comment se dissipent ces épreuves-là? Mais regardez, il y a les petites épreuves ou alors les petits troubles et les grands troubles. La preuve, écoute bien et suis bien avec moi ce hadith. Donc il rappelle qu'il y aura des troubles. Tout le monde a des troubles, a des épreuves dans la famille ou pas? Tout le monde. Dans les biens, tout le monde. Avec les voisins, tout le monde. Mais ça, de façon générale, je dis, de façon générale, c'est les petites épreuves ou les petits troubles. Écoute bien. Et il nous rappelle, le prophète alayhi salatu wasalam, comment, par laquelle cause vont disparaître ces épreuves. Écoutez bien, il dit, l'épreuve de l'homme dans sa famille, ses biens et son voisin est dissipée par la prière, as-sadaqa, l'aumône, et la recommandation du bien, l'interdiction du blâmable. Il dit, il y a ces épreuves-là. Hudhayfa, il croyait qu'il parlait de ces épreuves-là. Il dit, dans la famille, dans les biens, dans les voisins, il y aura des épreuves. Comment ils partent? Comment ils disparaissent? Bi-idnillah, prie. Fais la prière. Et augmente les prières. Augmente les aumônes. Et ordonne le convenable et interdit le blâmable. Par ces causes d'adoration, Allah va dissiper, incha'Allah ta'ala, les troubles. Claire. Continue. Ici, il dit, il ne s'agit pas de cela, mais bien de celles qui s'élèvent, telles les vagues de la mer. Radiyallahu anhu arda. Omar, il dit, c'est pas ces troubles que je parle, mais je dis celles qui s'élèvent telles les vagues de la mer, les grands troubles, les grands troubles, les grandes fitaines. Et là, il dit, ya amir al-mu'minin, au prince des croyants. Hudhayfa lui dit ça à Omar. Au prince des croyants, tu n'as pas à t'en faire à son sujet. Il y a entre toi, ici, il y a entre toi et elle, entre ces grands troubles, ces grandes fitaines, une porte fermée. Une porte fermée. Abu Bakr ou Omar, et qui est venu après Omar? Uthman. Avant qu'il le tue, Uthman, il les a regardés, leur a dit, hein, vous m'avez vu gentil. Vous, hein, vous avez en profité de ma gentillesse. Quand il y avait Omar ibn al-Khattab, il n'y en avait pas un de vous qui bougeait. Maintenant, moi, vous m'avez vu, parce que Uthman, quand on parle de Uthman, radiyallahu anhu arda, on pense tout de suite à quoi? La pudeur, la douceur, là. Quand on dit Omar ibn al-Khattab, on pense à quoi? La dureté. Donc c'était un égaré, alors, Omar. Hein? C'est sévère. Fermeté, justice, équité. Ah, là, ah, on a peur. On va pas dire, Omar, il est dur, il est égaré, ah. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, il était dur ou pas? Na'am. Le prophète était dur ou pas? Na'am. As-sahaba, ils étaient durs ou pas? Na'am. Mais quand les limites d'Allah, azza wa jal, étaient dépassées. Et ils étaient durs de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut, comme il fallait. Sans excès. Na'am, sans excès. Mais Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, la preuve que quoi, ce n'était pas une dureté qui montre son caractère mauvais, ou alors abadan, wal'iyadu billah. Walakin, ça montrait que Omar était un homme qui était jaloux de sa religion. Et qui avait fait devancer la vérité sur ses passions. La vérité sur ses passions. Petit exemple, on a beaucoup d'ahadith, par exemple, le hadith où il y avait des femmes du prophète alayhi salatu wassalam, qui étaient en train de demander des choses au prophète alayhi salatu wassalam. Il demandait des choses de dunya, des choses, etc. Et quand Omar ibn al-Khattab, il a frappé à la maison du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète, il a dit, c'est qui? Il a dit, c'est Omar. Les femmes, ils ont pris la fuite, ils se sont tués. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a ouvert la porte. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit, ya Rasulallah, c'était tes femmes qui demandaient comme ça, ils te demandaient plusieurs choses, etc. Il dit, na'am. Il dit, comment ça, subhanallah, mais dès qu'ils m'ont entendu, moi, ils sont arrêtés de parler, toi, t'es le prophète, alayhi salatu wassalam, et ils ont plus peur de moi que toi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Omar. Même quand Shaitan te croise dans un chemin, il prend la fuite, Shaitan, il change de chemin. Radiyallahu anhu wa arda. Là, on est content, on dit, ah, Omar, masha'Allah. Mais quand quelqu'un à notre époque utilise un peu de sévérité, de dureté pour le haq, c'est un égaré. L'islam, c'est la douceur. C'est la gentillesse, mon frère. Audhu billah. Jamais le prophète était comme ça. Subhanallah. Sous al-fahm. Mauvaise compréhension. Wallah, s'il n'y avait pas des hommes à l'époque du prophète et à l'époque de tabi'in et de atba' tabi'in, et à l'époque des gens de science, des hommes qui savaient comment agir avec dureté, sans excès, tu crois que cette religion, ici, aurait atteint ce degré par la permission d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que nous, au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, en toute sécurité, on peut adorer Allah Azza wa Jal, transmettre cette religion, alhamdoulilah, interdire le mal, ordonner le bien. Tu crois que ça se fait comme ça, en claquant des doigts? Non, il y a du sacrifice derrière. Il y a des gens qui ont sacrifié. Il y a des gens qui ont donné, il y a des gens qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur argent, qui ont su comment réagir, qui ont évité le fitaine, c'est comme ça que tu maintiens les choses. Et c'est là où tu vois le concret. C'est là où tu vois le concret. Et le haq, tant que tu as la vérité, ya Abdallah, sache que cette vérité ne cessera de se propager bi-idnillahi azza wa jal. Allah dit dans le Coran al-Karim, wa qul ja'a al-haq wa zahaqa al-batil, inna al-batil kana zahuqa. Et dit, la vérité est venue, le faux s'en est allé, le faux est voué à disparaître. Hada min fadlillahi azza wa jal. Continuons. Ici, il parle des grands troubles. Omar ibn al-Khattab dit, moi je te parle des grandes fitaines, des grandes épreuves, telles les vagues de la mer qui s'élèvent. Et ici, il dit, Hudhayfa, la porte sera ou plutôt il dit, ô prince des croyants, tu n'as pas à t'en faire à son sujet, il y a entre toi et elle une porte fermée. Il demanda, la porte sera ouverte ou enfoncée? D'accord, donc il dit, entre toi et le fitan, il y a une porte. D'accord? Et Omar dit, elle sera ouverte ou elle va être enfoncée? Il répliqua, elle ne se refermera, non, elle sera plutôt enfoncée. Hudhayfa dit, non, elle sera enfoncée. Et il dit, il répliqua, écoute bien, elle ne se refermera plus jamais. Khalas. Elle ne se refermera plus jamais. Ça veut dire que le fitan continueront, et c'est pas les petits troubles. Les grands troubles continueront jusque la fin des temps. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Continue ici. Nous demandâmes, connaît-on ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette porte? Ils ont demandé ça. Il dit oui, de même qu'avant demain, il y aura une nuit. Je lui ai rapporté une parole qui n'est pas fausse. Nous appréhendâmes toutefois de le questionner et ordonnâmes à Masrouq, radiyallahu anhu arda, de le faire. Il le questionna en demandant, mais c'est quoi cette porte? Il lui dit, c'est Omar ibn al-Khattab. Ils ont eu peur, les compagnons. Ils disent, mais c'est quoi cette porte qui va être enfoncée et les fitaines vont plus s'arrêter? Ils ont dit, mais c'est quoi? Ils ont eu peur, les compagnons. Parce qu'ils savaient c'est quoi la gravité des fitaines. Et ils ont dit, c'est Omar ibn al-Khattab. C'est-à-dire, quand Omar va mourir, la porte va être enfoncée et les fitaines vont commencer. C'est-à-dire, les grandes fitaines. Et après la mort de Omar ibn al-Khattab, il y a Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu arda, et les grandes fitaines, ils ont explosé. Il y a l'époque de Uthman qui a été tué, après Ali, le conflit Ali et Muawiyah, Ali avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, alors que les deux voulaient ici l'islah, la réforme, la réconciliation, mais des fauteurs de troubles ont engendré ici des mauvaises informations pour dire, tiens, un tel t'attaque, oh non, l'autre t'attaque, ils croyaient que l'un et l'autre s'attaquaient alors que les deux voulaient la réconciliation. Des centaines de morts, wa hakadha. Et ça ne s'est plus arrêté jusqu'au jour d'aujourd'hui, et wallahi wa ta'ala, ça ne s'arrêtera plus jusqu'au jour de la résurrection, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, rapporté par Muslim, inni la ara al-fitan. Je vois certes les troubles. Le prophète a dit ça à son époque. Je vois certes les troubles qui se produiront dans vos demeures. Qui se produiront dans vos demeures. Et ici, il dit, telle la pluie qui tombe. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit, la comparaison avec la chute de pluie est relative au nombre et à la majorité. D'accord? Il dit, je vois les épreuves, les troubles qui se produiront même dans vos demeures, telle la pluie qui tombe. C'est-à-dire, il y en aura plusieurs. C'est pas des deux, trois, des centaines et des centaines. Et c'est pour ça que la personne doit augmenter ici les invocations, comme on a dit précédemment, le prophète l'a dit à 14 siècles, ta'awadhu billahi azawajal min al-fitani ma zahara minha wa ma batan, demander protection près d'Allah azawajal contre les troubles, tant apparents que cachés, et ici, se prémunir des troubles, en suivant le Coran et la Sunna bi fahmi salafil ummah, revenir à Allah et à son messager, ati'u Allah wa ati'u al-rasul, wa ulil amri minkum, tous ceux qui détiennent le gouvernement, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur, donc tous ceux qui détiennent le gouvernement, les responsabilités, qui nous ordonnent des choses, tant que ce n'est pas contraire à la religion, on s'y plie, on s'y conforme, pour obéir à Allah et à son messager, alayhi salatu wa salam, et ainsi que aux gens de science et al-ulama. Ala kamal isha, okay. 27. Masha Allah tabarakallah. Continuons avec les signes de la fin des temps. Parmi les signes de la fin des temps, ici, il y a des signes qui, on va dire, ici, n'ont pas besoin, ou il n'y a pas besoin de mentionner autant de détails que certains signes. D'accord? Vous allez voir qu'il y a des signes où on va s'arrêter, inshallah ta'ala, et essayer de profiter ou de tirer le maximum de fawa'id. Mais il y a des signes qui sont clairs. Il n'y a pas besoin de faire de commentaires d'une heure ou d'une demi-heure dessus. C'est des signes clairs. Le prophète alayhi salatu wasallam a dit, il y aura telle chose, point. Ça s'arrête là. Parmi ces signes qui sont clairs, et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de rajouts, il y a l'apparition des faux prophètes. Ça fait partie des signes de la fin, les signes de la fin des temps. Ça, c'est un signe qui fait partie des petits signes de la fin des temps, qui a déjà eu lieu à l'époque du prophète alayhi salatu wasallam, et qui, au jour d'aujourd'hui, a eu lieu à notre époque aussi. D'accord? Ça, c'est parmi les petits signes. Ensuite, il y aura ici d'autres petits signes aussi qui auront eu lieu déjà à l'époque du prophète al-Sam et qui existent aussi à notre époque, qu'on va voir bi'inillah de façon très bref. Il y a l'apparition des faux prophètes. Le prophète a dit, et le hadith il est rapporté par al-Bukhari ou Muslim, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent près de 30 imposteurs menteurs. D'accord? La taqoumu sa'a hatta yub'atha ad-dajjalun kadhabun. D'accord? قريب من الثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit tous, ils vont prétendre, ces menteurs, ces imposteurs, ils vont prétendre qu'ils sont des messagers d'Allah. D'accord? Ici, il y est relaté près de 30 imposteurs. Près de 30, à peu près. Dans d'autres versions, c'est 30. Dans une autre version, 28. À la kulli hal, les savants, ils ont dit une trentaine. Pour réunir tous les hadiths, une trentaine. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a que 30 ou une trentaine? Les savants ont dit non. Mais ils ont dit ceux qui auront vraiment eu beaucoup d'impact, une grande notoriété, il y en aura, ou ceux qui auront beaucoup d'impact et une grande notoriété et beaucoup de gens qui vont les suivre, il n'y aura qu'une trentaine. Amma, on peut dire il y en a eu des centaines, d'accord, qui se sont prétendus, si ce n'est des milliers, prophètes, messagers, etc. Il y en a plus que 30. Walakin, vraiment, ceux qui ont eu une grosse impact et une grande impact et beaucoup de gens les ont suivis, il y a, comme le prophète alayhi salatu wasalam a dit, donc à son époque, il y aura une trentaine. Et il y en a déjà eu plein qui sont venus avec une grande notoriété, qui ont été suivis. Comme on dit les savants, il y a Musaylima al-Kadhab, très connu. Musaylima, à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, qui était appelé le menteur. Il a prétendu être prophète vers la fin de la vie du prophète, de la fin de la vie du messager d'Allah alayhi salatu wasalam. Et il avait même écrit une lettre au prophète alayhi salatu wasalam, Musaylima, le messager d'Allah, à Muhammad, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam. Le prophète alayhi salam l'avait répondu, Musaylima al-Kadhab, le menteur. Donc ici, il y a eu, ici, cette personne qui est venue à l'époque du prophète. Donc ce signe-là, c'est la preuve qu'il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu. Et il y a d'autres qui sont venus après la mort du prophète alayhi salatu wasalam et qui ont été combattus par as-sahaba radiyallahu anhu ardham. Et Musaylima, ici, quand il a, comme on dit les savants, Musaylima le menteur, ses partisans étaient nombreux et ses méfaits au sein des musulmans étaient graves jusqu'à ce que les compagnons radiyallahu anhu wa ardahum en finissent avec lui du temps d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardah dans la bataille célèbre de Al-Yamama. D'accord? Les compagnons, ils l'ont tué et ils se sont débarrassés de lui. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit toujours concernant ces imposteurs. Donc il y aura une trentaine d'imposteurs, menteurs, trentaine à peu près, qui auront vraiment de la notoriété et beaucoup de gens qui vont les suivre. Il dit, wa innahu wallah لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا. نعم. Ici, et par Allah, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent 30 menteurs, dont le dernier sera Al-Masih al-Dajjal. D'accord? Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit آخرهم الأعوار الكذاب يعني Al-Masih al-Dajjal. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit le dernier sera le borgne, menteur, c'est-à-dire l'antéchrist. Et ça fait partie des grands signes de la fin des temps. D'accord? Des grands signes de la fin des temps, inshallah ta'ala, on verra ça dans les détails par la suite quand on parlera des grands signes de la fin des temps. Donc on sait que le dernier menteur imposteur qui va se prétendre être prophète, c'est Al-Masih ad-Dajjal. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed bi sanadin sahih. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami', le prophète alayhi salatu wassalam a dit fi ummati, dans ma communauté, il y aura 27 menteurs. Ah, 27 menteurs et imposteurs. Dont 4 sont des femmes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, wa inni khatimun nabiyyin. Naam, wa inni khatimun nabiyyin. C'est-à-dire, je suis le sceau. Wa inni khatimun nabiyyin. Je suis le sceau des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Rappelle que c'est lui le dernier des prophètes. Et qu'il y aura 27. Et dans ces 27, il y aura 4 femmes qui vont se prétendre prophètes. Et parmi ces 4 femmes, il y avait la femme de Musaylima al-Kadhab. Et qui, elle s'est réformée et revenue vers la vérité après la mort de Musaylima al-Kadhab. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, nul prophète après moi, alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Ça fait partie de Ashratu sa'a. Clair. On continue. La propagation de la sécurité. Ça, c'est des signes qu'il n'y a pas besoin de détailler plus que ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Clair, il faut le savoir, c'est des informations importantes à savoir. Parmi les signes de la fin des temps, qui sont clairs aussi, il y a la propagation de la sécurité, Al-Amn. À quelle époque ça a eu lieu? Car c'est déjà passé. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, en avait déjà parlé. D'accord? La propagation de la sécurité. Les gens seront dans une sécurité, yani, qui aura pris beaucoup d'ampleur. Les gens, alhamdulillah, se sentiront bien en sécurité, que ce soit les hommes ou les femmes, rapportées par l'imam Ahmad, avec une bonne chaîne de transmission, le prophète alayhi salatu wassalam a dit toujours, la taqoumu sa'a. Donc on parle toujours de la fin des temps. Et il dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le voyageur sur une monture n'aille de l'Irak à la Mecque sans avoir peur, si ce n'est de perdre son chemin. C'est-à-dire sans aucune crainte. Alhamdoulilah, il pourra voyager. Il y a beaucoup de hadiths qui vont en ce sens, parlant même de la femme. Voilà qu'en ici, je ne cite pas tous les hadiths, car on n'a pas le temps. Et le principal, c'est de comprendre ça, c'est que ça a déjà eu lieu, et que la sécurité, elle s'est tellement propagée, que les gens étaient en sécurité, même pendant leur voyage, et si ce n'est qu'ils n'avaient peur, ils avaient la seule crainte, c'était quoi ? De perdre leur chemin, c'est tout. Voilà qu'une peur d'être agressé, etc. Ils n'avaient aucune crainte. Et ici, les savants ont dit que ceci aura aussi lieu au temps de Al-Mahdi et de Isa, alayhi salam. Claire ? On a dit qu'il y avait des signes, d'accord, qui étaient déjà passés. C'est les petits signes de la fin des temps. On avait dit ça. Il y a d'autres signes qui sont toujours les petits signes de la fin des temps qui ont déjà eu lieu et qui ont lieu. Mais on avait rappelé qu'il y avait des petits signes aussi qui réapparaîtront après ou pendant les grands signes. Vous vous rappelez ? On l'avait dit ça ou pas ? Naam. Parmi ces signes, il y a celui-là. Des petits signes qui ont eu lieu, qui existent à notre époque, mais qui vont réapparaître en même temps à la fin des temps, c'est-à-dire quand il y aura vraiment les grands signes. Par exemple, celui-là. Il a déjà eu lieu. La propagation de Al-Amn. D'accord ? Et ça, la propagation de la sécurité dans une ville, dans un pays, c'est dû à quoi ? On avait déjà vu ça, c'est dû à quoi qu'il y a beaucoup de sécurité dans un pays ? C'est dû à quoi ? Al-Adl. C'est dû à l'équité. D'accord ? À la justice. Surtout qui est apportée par Al-Hakim, par le gouverneur. Comme à l'époque de Omar ibn Abdelaziz. Jusqu'à ce qu'il disait que même les troupeaux, ils n'avaient même plus peur des loups. Tellement qu'il y avait la sécurité. Khalas, ils pouvaient laisser paître leurs moutons ici et voir que, alhamdoulilah, le loup ne dérangeait même pas les moutons. Tellement que la justice et l'équité étaient présentes à son époque, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et ici, ça s'est répandu même chez les bêtes, même chez les bestiaux, même chez les animaux, les hayawanat. Ici, c'est pour ça que quand tu vois qu'il y a ici la sécurité qui se passe dans un endroit, c'est dû à quoi ? En général, à l'équité et la justice qui est établie dans cet endroit-là. Et particulièrement par ceux qui détiennent ici le commandement, comme les gouverneurs d'un pays, etc. D'accord ? Et ça aura lieu encore. Pourquoi ça va revenir la propagation de la sécurité à l'époque de Mahdi et de Isa alayhi salam ? Pourquoi ? C'est clair. Parce que ce sera des gens qui vont instaurer l'équité et la justice après que cette équité et la justice aura disparu énormément. Ils vont revenir et réétablir ici la justice et abolir l'injustice et l'oppression. Et là, il y aura encore une fois la propagation ici de la sécurité. Parmi les signes de la fin des temps aussi, qui font partie des petits signes de la fin des temps et qui ont déjà eu lieu. Par contre, ce signe, il a déjà eu lieu, d'accord ? Et il ne reviendra pas. D'accord ? Il ne reviendra pas. Il ne faudra pas confondre avec un feu qui va rassembler les gens, comme on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala, au jour de la résurrection. Non. Là, ici, ou le jour dernier. Là, on parle de quoi ? On parle d'un petit signe de la fin des temps qui a déjà eu lieu. C'est un feu. Un feu qui va apparaître, ou qui a apparu plutôt dans le Hijaz. Et ça, comme l'a témoigné l'imam al-Nawawi, l'imam al-Qurtubi, l'imam ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, rahimahumullah jami'an, un grand nombre de savants, ils ont vécu à cette époque qui était, à l'ancêtre de l'Hégire. D'accord ? Ici, ils ont été présents quand il y a eu ce grand feu. D'accord ? Dans le Hijaz, je vous cite simplement quelques preuves concernant ce grand feu et on va arrêter là, inshallah ta'ala, pour ce soir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, toujours, la taqoum sa'a. Ici, l'heure ne viendra pas, et le hadith, il est rapporté ici par l'imam Ahmed et d'autres. Ici, il dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse un feu dans la terre du Hijaz, éclairant le cou des chameaux à Bosra. Bosra, c'est une ville près de Damas. Une ville près de Damas. D'accord ? Ici, c'est un hadith aussi rapporté par Muslim. Et ça, c'est pour nous indiquer ici que le prophète Hassan nous indique que ça sera un feu vraiment énorme, immense. D'accord ? Vraiment immense. Et les savants disent que ce feu est apparu à la moitié du 7e siècle de l'Hégire, environ à l'an 650, ou plus précisément 654 de l'Hégire. C'était un feu énorme qui a été amplement décrit par les savants qui l'ont vu et ceux qui vinrent après eux aussi. Parmi eux, l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, il a paru à notre époque un feu à Médine en l'an 654 de l'Hégire. Le prophète, il l'avait dit à l'époque, D'accord? Et ça, l'imam Nawawi témoigne. Il dit, ici, il a paru à notre époque un feu à Médine, en l'an 654. C'était un grand feu. Du côté et de Médine, ici, c'est une information de haute notoriété pour l'ensemble de la région du Chem et d'autres régions. Ceux qui en ont été témoins parmi les gens de Médine m'en ont informé. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il parle de ce feu et il dit, il rapporte que plus qu'un bédouin se trouvant à Bosra, donc cette ville près de Damas, a été témoin de la lumière engendrée par ce feu qui est apparu dans la terre du Hijaz visible sur le cou des chameaux. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, mentionna l'apparition de ce feu en le détaillant amplement dans son livre, d'accord, dans un de ses livres, et il cite également qu'il a été aperçu à la Mecque ou de la Mecque et des montagnes de Bosra. Plus d'un savant ont aperçu ce feu, donc qui a eu lieu à l'an 7 de l'Égypte. On a dit, l'imam Nawawi en a parlé, l'imam Ibn Kathir en a parlé, l'imam Al-Qurtubi en a parlé. Ça c'est une preuve, Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, qui fait partie des petits signes qui ont déjà eu lieu et qui ne reviendront pas. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ça c'est des petits signes, comme je vous ai dit, qui n'ont pas besoin d'être détaillés plus, car on s'arrête ici à ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, alladhi la yantiqu 'anil hawa. Ça, c'est les petits signes de la fin des temps qu'on est en train de citer. Et on continue à citer les petits signes de la fin des temps, tout en se rapprochant petit à petit des grands signes bi'idnillahi azza wa jal. Des grands signes bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Parmi les petits signes qu'on parlera ou qu'on mentionnera la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, il y a le combat contre les Turcs, qui a déjà eu lieu, je vous réconforte. Les Turcs, ils sont... Les Turcs. Il y a le combat contre les Turcs. Ça, c'est un des signes de la fin des temps. Et ici, ce combat, ou plutôt ces combats qui ont fait rage, ont déjà eu lieu. D'accord? Ont déjà eu lieu. Et il y a eu de grandes pertes du côté des Arabes et du côté des Turcs. Bien que l'histoire le raconte, ensuite, à l'époque, beaucoup de Turcs ont embrassé l'islam et ont été... et sont toujours d'ailleurs au jour d'aujourd'hui bénéfiques et ont été énormément bénéfiques pour l'islam. Et ils ont fait de grandes conquêtes, comme on le verra. Ils ont fondé un très grand empire et très fort empire, donc les Turcs. Et ici, on en parlera, incha'Allah ta'ala, dans les détails. Et on rappellera aussi d'où viennent les Turcs, la descendance. Et il y a plusieurs aqwal, plusieurs paroles des savants. Et certains savants ont dit que les Turcs sont les cousins de Ya'juj et Ma'juj. D'accord? Car ils descendent d'un des fils de Nuh, alayhi salatu wassalam. D'accord? Que ça soit Ya'juj et Ma'juj et les Turcs. C'est pour ça qu'ils disent, certains gens de science, comme on le rappellera, ce sont des cousins, quelque part, de Ya'juj et Ma'juj. Et il y a eu d'autres paroles, 4 ou 5 paroles, si mes souvenirs sont bons, concernant la descendance des Turcs. Et inshallah ta'ala, on citera ce signe la semaine prochaine. Wa billahi tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fina wa fikum.